Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station 107FM, pour cette 12e chronique de 1000 histoires de tatouages. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé des pigments et solvants du tatouage occidental, de l'entraînement et de la formation du tatoueur. Nous avons ensuite enchaîné avec le style de tatouage gothique et avons fini avec le motif du cerisier et ses significations. Dans cette nouvelle chronique, nous parlerons de la procédure du tatouage occidental, puis continuerons avec un style de tatouage, pour finir avec un motif et ses significations. Commençons dès à présent. La procédure du tatouage occidental n'est pas exactement la même que de l'irizumi. En effet, tandis que l'un se sert principalement de tiges de bambou pour insérer l'encre sous la peau, l'autre se sert d'un dermographe. Cependant, avant de nous concentrer sur ce dernier, je propose que l'on jette un coup d'œil à d'autres techniques traditionnelles, en commençant par la technique utilisée chez les Inuits d'Antarctique. Celle-ci, appelée aussi suture, est une technique utilisant comme outil un fil de tendon de caribou imbibé de suie qui va ensuite être passé dans une aiguille. Ce fil sera ensuite passé à travers la peau à de multiples reprises, point par point. Il existe aussi un tatouage par piqûre. Pour citer un exemple, selon la tradition, les cultures tribales créent leurs tatouages à l'aide d'outils aiguisés. Ceux-ci étaient fabriqués avec des os qui étaient ensuite affûtés en forme de peigne ou de poinçon. Une fois cela fait, les pointes des peignes étaient trempées dans de l'encre, puis le peigne était frappé avec un petit bâton afin de faire pénétrer les pointes dans la peau et d'y insérer l'encre. Il y a d'autres méthodes encore utilisées pour tatouer. Par exemple, le tatouage par incision, que l'on appelle aussi coupure. Cette technique consistait à, comme vous l'aurez deviné, inciser la peau et à frotter la coupure avec de l'encre, des cendres ou d'autres pigments. C'est une méthode qui était pratiquée par les Ainu d'Hokkaido, dont là on a parlé brièvement dans une précédente chronique. Ceux-ci scarifiaient la peau à l'aide d'un couteau en obsidienne appelé makiri. Ensuite, des cendres d'écorce de bouleau ou de la suie étaient frottées à la plaie. Les tatoueurs pouvaient donc avoir recours à des instruments manuels simples qu'ils avaient créés. Ce sont des techniques qui, de par leurs utilisations d'outils grossiers, étaient et sont d'ailleurs toujours très douloureuses. Cependant, de nos jours, la méthode la plus utilisée pour insérer l'encre sous la peau est le dermographe. Vous connaissez sûrement cet outil, mais qui est-il exactement? C'est un appareil fait d'un canon électrique auquel sont attachés sur une barre de fines aiguilles qui, amorcée, permet un déplacement rapide des points de haut en bas afin d'insérer l'encre entre le derme et l'épiderme, la seconde et la première peau. Il existe plusieurs formes d'aiguilles, les liners qui servent à tracer les lignes et contours d'un tatouage et les magnums qui servent au remplissage. Ce ne sont pas les seules formes d'aiguilles qui existent. En effet, d'autres variantes sont possibles en fonction des besoins du résultat recherché par l'artiste et ou le client. Ce sont des aiguilles qui existent en différentes tailles et qui comprennent donc un nombre variable de pointes. En fonction du type de tatouage noir ou en couleur, la quantité et la concentration d'encre utilisée est modifiée. Par exemple, une encre noire diluée permet d'obtenir des nuances de gris afin de réaliser des dégradés. Quant aux encres couleur, elles sont généralement mélangées pour créer des autres nuances. Mais peu importe la méthode employée, dermographe ou un fil de tendon de caribou passé dans une aiguille, la pratique du tatouage reste quelque chose de difficile à supporter. Lors de la séance, le tatoué ressent généralement des sensations allant d'une simple gêne à une douleur aiguë selon sa sensibilité et selon l'endroit tatoué. Par exemple, la douleur sera plus présente lors d'un tatouage sur les côtés que lors d'un tatouage sur l'épaule. De plus, ces sensations augmentent durant la séance, ce qui rend les tatouages de grande taille souvent pénibles à réaliser en une fois. C'est pour cela que généralement, un tatoueur ne dépasse pas les séances de 8 heures car l'endorphine, l'hormone de l'excitation, de la douleur ou de l'orgasme n'agit pas plus longtemps. En général, lors de la réalisation d'une pièce complète, les tatoueurs ne se consacrent qu'à un client par jour et pour les grosses pièces, les séances journalières peuvent aller jusqu'à 10 heures de tatouage en fonction de la capacité de résistance du tatoué. En effet, quelqu'un ne sentira pratiquement rien pendant 10 heures alors que quelqu'un d'autre ne pourra plus supporter la douleur au bout d'une heure. Chaque corps est différent. Comme vous l'avez entendu, il existe différentes techniques de tatouage, à vous de voir celle que vous préférez. Passons à la deuxième partie de la chronique, un style de tatouage, le style polynésien. Nous en avons déjà parlé dans la toute première chronique avec l'origine du mot tatouage, mais nous n'avions pas approfondi ce style, donc faisons-le maintenant. Je ne vais pas m'attarder sur l'origine du mot, mais je vais juste dire que ce mot vient du mot tato, qui signifie frapper et qui dérive lui-même d'une expression polynésienne, ta atua. Combinaison de ta, qui signifie dessin inscrit dans la peau, et atua, qui signifie esprit. Il existe cependant une légende autour du tatouage polynésien. La voici. Tout d'abord, d'après les légendes polynésiennes, le tatouage serait né auprès des dieux. Il s'agirait d'une pratique qui aurait créé deux frères, fils du dieu Tahoeraa. Ceux-ci étaient membres d'un groupe d'artisans composé de dieux de l'habilité et d'Ina Er Manua, la fille du premier homme. Lorsque cette dernière devint une belle jeune femme, les deux dieux en tombèrent amoureux. C'est ainsi que pour la séduire, ils inventèrent le tatouage, afin d'orner leur corps de plusieurs motifs. La jeune fille, charmée, succomba à l'art tatographique, et c'est ainsi que le tatouage apparaît en Polynésie. Depuis ce jour, les dieux transmettent aux hommes leur savoir, considérant que cette pratique était intéressante. Cependant, ce n'est là qu'une légende. Voici maintenant l'histoire du tatouage polynésien. Ses origines restent floues, mais il fut probablement amené par des migrants venus d'Asie du Sud-Est qui s'installèrent dans les îles de la Polynésie orientale puis occidentale à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est une pratique qui est utilisée à grande échelle dans les îles polynésiennes et plus particulièrement à l'île des Marquises où l'art tatographique, de par sa richesse et sa complexité de ses motifs, aurait atteint son apogée. Mais qui était tatoué ? Cette réponse se trouve aussi dans une chronique précédente, cependant je vais rentrer plus en détail ici. Dans la culture polynésienne, force, pouvoir et richesse étaient symbolisés par les tatouages. Et si l'on voyait un homme qui était énormément tatoué, c'est qu'il jouissait d'un prestige social important. Au contraire, les personnes non tatouées étaient méprisées. C'était donc un repère social qui marquait l'appartenance à un territoire précis, à un clan, à une famille et à un rang social. Ceci représentait également des rites sociaux importants tels que le passage à la puberté ou le mariage, etc. Mais aussi des faits remarquables accomplis par les tatoués, bravoure guerrière, prouesse à la chasse ou à la pêche, et bien d'autres. Hommes et femmes ne possédaient pas les mêmes tatouages. Et alors que les tatouages chez les hommes pouvaient se faire partout sur le corps, hormis sur le visage qui devait rester vierge, bien que certains prêtres et guerriers portaient des emblèmes particuliers aux lèvres et au front, chez les femmes, en revanche, les zones étaient limitées aux mains, aux bras, aux pieds et aux lèvres. Et seules les femmes importantes, comme les femmes de chef, pouvaient se faire tatouer sur les cuisses et sur les fesses. Cependant, ces tatouages étaient clairement plus élégants et mieux exécutés que chez les hommes. Cependant, une nouvelle fois, pourquoi toutes ces personnes se faisaient tatouer ? Car tout d'abord, la culture polynésienne n'utilisait pas le langage écrit. C'est pour cela que le tatouage exprimait l'identité et la personnalité du tatoué, ainsi que sa généalogie, son rang social et sa maturité sexuelle. Comme le tatouage était valorisé dans les tribus polynésiennes, le processus de marquage commençait à l'âge de la puberté, c'est-à-dire 12 ans. Ainsi, le jeune adulte est identifié au sein de la communauté, grâce à des motifs qui le représentent. Et plus il grandira, plus le tatouage évoluera avec lui. Dans les cultures polynésiennes, le tatouage détenait un aspect sacré. Grâce à celui-ci, le tatoué était protégé de la perte du mana, mais il assurait aussi l'essence divine responsable de la santé, de l'équilibre et de la fertilité. Et comme le tatouage était indélébile, il devenait une œuvre inaltérable, témoignant des origines, du rang social et des actions accomplies au moment de corporette devant les dieux. Hormis les rites dont l'on a parlé plus tôt, il y a aussi différents motifs liés au tatouage polynésien. Les motifs et les positions des tatouages sont déterminés par la généalogie, le rang social et l'accomplissement personnel. Avant de se faire tatouer, les candidats devront passer par une période de purification dans laquelle ils devront jeûner et s'abstenir sexuellement. Une fois cette période finie, il ne va pas chez un tatoueur avec une table à tatouer, non. Il est immobilisé dans un étau composé de troncs de bananiers, où il est donc fermement maintenu. Le tatoueur scande un chant rythmé par le battement du maillet et instantanément le sang est essuyé, car aucune goutte ne doit toucher le sol. Il y a 4 types de tatouages que l'on peut distinguer. Les tatouages qui sont destinés aux dieux, aux prêtres et aux haris, ce sont des tatouages de caractère héréditaire. Les tatouages Ui, Hari, I, qui eux sont destinés aux chefs de clan. Les tatouages Ui, Toa, Uira Atira et les tatouages Yato Ai, Mania Une, qui sont destinés aux chefs des guerres et aux guerriers. Le tatouage polynésien aujourd'hui a été mis au goût du jour. Il se popularise auprès des jeunes polynésiens en quête d'un retour aux valeurs traditionnelles et culturelles afin de retrouver leur identité. Dans les pays occidentaux, une multitude de tatoueurs pratiquent le tatouage polynésien, aussi bien esthétique que symbolique. C'est un engouement qui a débuté dans les années 1980. Comme vous l'avez pu l'entendre, le style polynésien est un style qui a des racines culturelles, voire même légendaires, avec des significations importantes. Poursuivons et terminons cette chronique avec un motif et ses significations. Le motif du jour est la boussole. Voici un peu d'histoire. Si vous recherchez les premières traces historiques de la boussole, il faut vous diriger du côté de l'actuelle Chine, où celles-ci ont été retrouvées au 6e siècle avant Jésus-Christ. Cependant, bien que la date de sa création ne soit pas connue avec justesse, au fil des siècles, elle s'est améliorée, répandue dans le monde entier. De par sa forte utilité, c'est un instrument qui a été utilisé par de nombreux navigateurs et qui l'est toujours aujourd'hui par les randonneurs qui, grâce à elle et à son aiguillementé indiquant toujours le nord, ne perdent pas leur chemin. Mais quelles sont ses significations en tatouage ? La boussole est le signe par excellence du voyage, et avec le combat, ils ont été des objets essentiels pour pouvoir naviguer et explorer le monde à la recherche de nouvelles terres. Ainsi, porter le tatouage d'une boussole peut être une manière de dire que vous avez le voyage dans la peau, et que, en 2 secondes, vous pouvez faire votre sac et partir faire le tour du monde en autostop. La boussole est un guide spirituel qui permettait aux marins de rentrer au port en étant sûr de prendre le bon chemin. L'on peut donc voir en cet instrument pour voyager un guide personnel qui aide à diriger notre vie dans la bonne direction pour réaliser ses rêves et ses ambitions. Comme dit plus tôt, c'est aussi un symbole marin. Elle peut être appelée rose des vents car dans son cadran, l'on peut voir une étoile indiquant les différents points cardinaux. C'est un instrument que l'on peut aussi voir dessiné sur des cartes de navigation. Ancrée dans la peau, elle est souvent représentée avec un style old school. Et comme le phare ou le rondel qui sont eux aussi des symboles marins, la boussole est utilisée pour guider les gens et les ramener à bon port. Il existe cependant une variante scandinave de la boussole. En effet, lorsque l'Islande a été colonisée par les Vikings, elle a donné naissance à un symbole magique appelé Vegvisir. Ce symbole aide les gens à retrouver leur chemin, en toutes circonstances, et ce même quand il n'est pas connu. On peut donc le comparer à une sorte de boussole ayant un pouvoir surnaturel, divin. Mais quel est l'emplacement idéal pour cet instrument ? Lorsque le tatouage est porté par un homme, l'endroit du corps qui revient le plus souvent est le bras. Cependant, le dos ou le torse peuvent être des emplacements de choix. D'autres personnes se la tatouent aussi sur la main. Mais maintenant, nous connaissons les emplacements. Dans quel style la boussole peut être tatouée ? Comme c'est un instrument très souvent utilisé par les marins, ils sont donc souvent passés sous les aiguilles pour se faire tatouer ce motif, et cela depuis des décennies, bien avant tous les nouveaux styles que connaissons aujourd'hui. Le old school, le style de tatouage historique pour se faire tatouer une boussole, était la norme. Cependant, le style réaliste peut être un choix très judicieux qui permettra de mettre en valeur tous les détails que l'on peut voir dans le cadran, de cet instrument de navigation. Finissons cette dernière partie de la chronique par quelques tatoueurs très doués dans les tatouages de boussole. Samuele Briganti, un tatoueur italien qui a son shop à Florence. Nicky Norberg, un tatoueur suédois travaillant à Göteborg en Suède. Ou Stefan Johnson avec son shop à Santa Cruz en Californie. Il y a aussi des tatoueurs français comme Ronan du Tattoo Shop BWT Tattoo Studio se trouvant à Saint-Brieuc en Bretagne. Yo de Yo Tattoo Shop à Saint-Laurent-sur-Saône dans l'Ain. Virgulovic du shop Tite for Tat à Lille. Ou encore Jean-Pierre Motin, tatoueur au Grizzly Ink à Liège en Belgique ou à Tintin Tatouage à Paris. Ce ne sont là que quelques tatoueurs et je ne doute pas qu'il y en ait encore beaucoup. Donc, si vous aimez voyager, ou voulez un guide personnel qui vous aidera à réussir dans votre vie, la boussole est le tatouage parfait. Il est possible de la faire de différents styles, mais privilégiez plutôt le style old school ou réaliste. C'est ainsi que cette 12e chronique se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamezo, sur son site à l'adresse www.radiogamezo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous serons ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de Mille et une histoires de tatouage. Ciao!